Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les Russes à la conquête de l'espace. J'observe la Terre. La visibilité est bonne. Une certaine partie de l'espace est voilée par des nuages cumulus. Nous allons de l'avant. Le 12 avril 1961, le cosmonaute Youri Gagarine devient le premier homme à être envoyé dans l'espace. Gagarine va devenir une sorte de légende vivante en URSS et l'exploit qu'il réalise en 1961 sera l'un des plus formidables pieds de nez qu'adresseront les Soviétiques aux Américains au cours de cette folle course à la conquête de l'espace que se disputeront les deux superpuissances dès la fin des années 50. L'apparition de Youri Gagarine a bouleversé les Soviétiques. Gagarine était en effet le plus populaire des cosmonautes. On l'aimait pour sa tête sympathique, son physique avantageux, pour son courage, bien sûr. Il était un homme aussi extrêmement sociable et le gouvernement et le parti soviétique utilisèrent ses dons naturels à la parole. Chef du détachement instructeur des cosmonautes, il fut surtout, au cours de ces dernières années, un ambassadeur extraordinaire de l'Union soviétique, parcourant tous les continents, applaudi par des millions d'hommes, pour lesquels il était devenu en quelque sorte le symbole de cette Russie nouvelle et mal connue. Sa présence démentait, dans une certaine mesure, une certaine propagande antisoviétique qui représentait la Russie comme un pays en retard. Mais la gloire de Gagarine venait surtout qu'il avait été le premier des cosmonautes, le premier homme dans l'espace. On peut comprendre que le 12 avril 1961 fut pour des millions de soviétiques un jour de gloire exceptionnel. Ici, Henri Pierre, qui vous a parlé de Moscou. C'est le 27 mars 1968 que meurt Youri Gagarine, pionnier de l'espace, héros de tout un peuple. Il sera aussi un symbole de réussite et de dépassement pour l'Union soviétique communiste qui veut montrer sa puissance au monde. Le programme spatial russe sera l'un des principaux instruments dont disposeront les soviétiques dans cette guerre idéologique à finir avec le monde capitaliste et son plus fier représentant, les États-Unis d'Amérique. Pour nous raconter cette aventure spatiale soviétique, mon invité Robert Lamontagne, astrophysicien à l'Université de Montréal et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Monsieur Lamontagne, bonjour. Bonjour. Cette course de l'espace, pour la conquête de l'espace entre l'URSS et les États-Unis, ça commence officiellement à la fin des années 50. On y reviendra autour de 57. Il y a Spoutnik qui est lancé, c'est important. Tout à fait. Mais au fond, ça commence avant, dès le début du 20e siècle. Sur le plan de la recherche, ces deux pays s'affrontent et déjà, les Soviétiques ont une petite longueur d'avance à ce petit jeu-là. Oui, en fait, les Soviétiques, un Russe, un Soviétique, Konstantin Tchaïkovski, va développer toute la base théorique du lancement des fusées. Il va même imaginer les fusées à plusieurs étages qui permettront éventuellement de s'affranchir de la gravitation terrestre et d'atteindre les planètes, Mars, la Lune, Mars ou Vénus. Alors donc, d'un point de vue théorique, les bases sont posées du côté soviétique. Les Américains, en contrepartie, vont développer un peu les carburants. Robert Goddard, entre autres, va faire quelques expériences et réussir l'exploit de lancer quelques petites fusées là, qui atteignent des altitudes assez remarquables pour l'époque, là, dans on parle des années 20 à 30. Mm-hmm. Chose méconnue aujourd'hui, autour de la Deuxième Guerre mondiale, parce que quand on pense à la conquête spatiale, on ne pense pas du tout maintenant aujourd'hui aux Allemands. Mais il y a des percées intéressantes qui se font en Allemagne au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Les Allemands ont un programme de développement assez agressif. Évidemment, c'est orienté vers pendant la Deuxième Guerre mondiale du côté militaire. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lancer des missiles à grande distance. Alors, les V1 ont réussi. On tirait du continent, puis on a réussi à atteindre l'Angleterre. Mais il y avait un programme de développement de la deuxième version, la fusée V2, qui, elle, en principe, aurait pu atteindre l'Amérique. Et si ça s'était matérialisé, les Américains auraient eu la guerre sur leur territoire à ce moment-là. Il y aurait eu la possibilité que des missiles tombent sur New York ou la côte est américaine. Mais évidemment, on connaît le dénouement de cette affaire-là. Ce sont, au fond, ces deux pays, États-Unis et URSS, qui seront les grands vainqueurs du deuxième conflit mondial. Et ce sont ces deux pays, donc, qui vont récupérer tout ce que les Allemands ont fait et qui vont décider, donc, autour des années, à la fin des années 50, de se lancer dans cette folle aventure de la conquête spatiale. Ça va être une course entre ces deux puissances-là. Pourquoi? Pourquoi on se lance dans cette course-là? En fait, c'est le contrôle de l'espace. Les Américains ont développé l'arme atomique. Ils veulent développer des missiles intercontinentaux Évidemment, les Russes, les Soviétiques veulent faire la même chose, mettre la main sur l'arme atomique. Il y a un programme de développement de la bombe atomique et aussi de développer un programme de missiles intercontinentaux. Alors donc, c'est l'escalade qui commence et qui va se concrétiser par quelques succès, surtout du côté soviétique au début. Dans les milieux des années 50, on va réussir le lancement de fusées qui vont atteindre l'espace sans faire le tour de la Terre, mais qui retombent. Donc, il y a un progrès assez notable. Donc, avec cette préoccupation, encore une fois, en pleine guerre froide, le côté militaire est important, puis évidemment, le côté prestige. Puis ça, on va y revenir, mais ça fait partie de la grandeur de l'un et de l'autre. Le 4 octobre 57, date vraiment importante, le premier grand coup des Soviétiques avec le lancement du premier Spoutnik. Jamais à Moscou, vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Spoutnik a fait recette et des affiches préparent déjà les moscovites au futur voyage dans la Lune. Ce Spoutnik, chacun voulait l'apercevoir. Et les préoccupations de la vie quotidienne passaient au second plan devant cette petite boule de métal qui se promenait dans l'espace. Aussitôt, les antennes scrutaient le ciel. Limour est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de cet engin, le premier qui ait atteint l'espace extraterrestre. Et bientôt, enregistrés, les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles, car cet appel strident sollicite étrangement l'imagination. Qu'est-ce que ça représente et quelle importance ça a, Robert Lamontagne, ce lancement de Spoutnik 1? C'est la première victoire internationale mondiale des Soviétiques dans la conquête de l'espace. Les Américains et les Soviétiques étaient en compétition et les Américains avaient annoncé leur couleur de pouvoir mettre quelque chose en orbite pour célébrer l'année géophysique internationale qui allait se dérouler de 57 à 58. Et ce sont les Soviétiques qui les battent en octobre 57 avec ce premier lancement. Et donc, c'est une première gifle pour les Américains qui vont réussir un lancement que plusieurs années plus tard, fin 58, début 59. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a c'est vraiment une course. Les Soviétiques, puis on va le voir dans les minutes qui viennent, sont toujours les premiers pour un bon petit bout de temps. Des fois, les Américains suivent de près. Cette fois-là, non, ça prendra un peu plus longtemps. Autre victoire soviétique, Spoutnik 2, le 3 novembre 57, et qui part en orbite. Évidemment, on s'en souvient, ça a frappé l'imaginaire, avec la chienne Laika à son bord. Oui, alors donc on a un animal. L'idée, c'est de démontrer que une présence vivante peut survivre dans l'espace. C'est vraiment de l'exploration et donc c'est un succès. Les Soviétiques ont un peu maquillé l'histoire là-dedans à l'effet que le vol a été extrêmement long puis que l'animal a survécu très longtemps. Il a plutôt beaucoup souffert, température très élevée, manque d'oxygène et l'animal est mort après quelques dizaines de minutes à peine. Ah bon? Mais quand même un succès. Là. Il y avait des défaillances dans la cabine, mais on avait démontré que l'humain, éventuellement, pourrait survivre dans l'espace. Oui. 4 janvier 59, la sonde Luna frôle la Lune, Luna 1, première sonde-là ne rapportera pas d'images. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus tard, les Soviétiques vont fournir les premières images qu'on va connaître de la face cachée de la Lune. Et ça nous permet, Robert Lamontagne, parce qu'il y a une petite anecdote autour de ça, de parler de la différence fondamentale d'approche entre les Soviétiques et les Américains dans cette conquête de l'espace. Oui, alors les Américains vont créer une agence civile, la NASA, qui va chapeauter tout le programme de développement. Du côté soviétique, on a charcuté l'exploration de l'espace en plusieurs divisions qui sont littéralement en compétition les unes avec les autres. Alors, dans le cas de l'exploration de la Lune, on va réussir des exploits en 59. Premier passage près de la Lune avec Luna 1, premier impact sur la Lune avec Luna 2 et premier passage derrière la Lune, photographie de la face cachée de la Lune et relais de l'image à la Terre. Ouais. Or, à l'époque, les Soviétiques n'ont pas les télescopes, ou en fait les radiotélescopes ou les antennes suffisamment puissantes pour recevoir le signal. Et donc, ils vont collaborer avec les Anglais, l'équipe de recherche à Jodrell Bank, qui va recevoir le signal, transmettre la photo aux Soviétiques, mais aussi valider auprès de l'Occident que les Soviétiques ont bien réussi. Ouais. Alors, les Soviétiques utilisent donc le prestige de Jodrell Bank pour démontrer à la face de l'Occident, voilà, voyez ce que nous sommes capables de faire. Vous pouvez nous croire, les Anglais le confirment. Et ça, c'est intéressant parce que les Soviétiques vont toujours fonctionner de manière secrète. Ils vont, tentent quelque chose, et quand ça marche, on communique l'information. Alors que les Américains font le contraire. On dit déjà au monde, voici ce qu'on va tenter. On ne sait pas si ça va marcher. Exactement, ça a toujours été la marque de commerce américaine. On annonce l'exploit à venir et on fait tout pour le réussir. C'est le cas, par exemple, de la conquête de la Lune avec le premier homme sur la Lune. Les Soviétiques, c'est le contraire. On fait quelque chose et si ça fonctionne, on va s'en servir comme publicité, comme pour montrer la grandeur de l'Empire soviétique. Et évidemment, on cache tous les échecs. Ouais. Ils se sont fait jouer le tour pour finir sur cet exemple des premières images de la face cachée de la Lune, par ailleurs, parce que, au fond, ils ont fonctionné, ils avaient besoin de cette crédibilité britannique, mais les Russes ont vu les premières images, en fait, par l'entremise de médias britanniques. Ben, en fait, l'image de la face cachée a été diffusée par les Soviétiques, mais les premières images d'une sonde qui s'est posée en douceur sur la Lune en 1963, ça a été fait par les Soviétiques, c'est la sonde Luna 9, mais encore une fois, Judd Relbank a reçu le signal, ils ont reconnu que c'était un signal fax, ils sont allés chercher une machine fax au Daily Express, et c'est le Daily Express qui a publié les premières images en direct de la surface de la Lune, avant les Soviétiques, avant les Américains. Alors là, c'était... Scooper, faut le dire, en bon français. 12 avril 61, on y revient. On l'entendait au tout début de l'émission. Yuri Gagarin, qui devient le premier homme à se retrouver dans l'espace. Товарищ первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии Советского Союза. Camarade, premier secrétaire du comité central du Parti communiste d'Union soviétique, je suis prêt à remplir toute nouvelle mission voulue par le parti et le gouvernement. Майор Гагарин. Gloire à ceux qui ont construit Orient. Gloire au peuple soviétique. Gloire aux communistes. Yuri Gagarin, qu'on entend en 61, vous avez peut-être un peu compris le contexte, il est acclamé en héros sur la Place Rouge. Il s'adresse au président du pays, extrait de l'émission Le troisième quart de siècle, diffusée en 1976. Mais c'est donc un peu plus tôt, cette même année, en avril 61, qu'il réussit cet exploit, le premier homme à être dans l'espace. Ça, est-ce que c'est le plus grand coup, Robert Lamontagne, des Russes dans cette course avec les États-Unis dans cette conquête de l'espace? On pourrait le qualifier de plus grand coup. Réussir à mettre un homme dans l'espace, c'est la dernière frontière, n'est-ce pas? C'est l'équivalent de traverser l'Atlantique ou le Pacifique pour la première fois, réussir l'exploit ou faire le tour du monde la première fois. Mettre un homme dans l'espace, c'est un grand exploit. Les Soviétiques ont battu les Américains à ce petit jeu-là. D'ailleurs, les Américains, ça va prendre plusieurs mois avant qu'ils réussissent un vol suborbital et ensuite un vol orbital avec John Glenn en février 62. Donc, il s'écoule presque une année avant que les Américains puissent, égaler l'exploit. Juin 63, autre première pour les Soviétiques. C'est vraiment là, jusqu'à ce que les Américains mettent le pied sur la Lune, c'est vraiment la domination soviétique. Juin 63, une première femme est envoyée dans l'espace. Il s'agit de la Russe Valentina Vladimirova Terekova. Oui, c'est une première, une femme dans l'espace. Mais dans ce cas-ci, ce qui est assez amusant, c'est que c'est une commande politique. Alors, du côté de l'Occident, on avait toujours l'impression qu'il y avait un contrôle de l'État sur le programme soviétique et qu'il y avait généralement là, des visées. Mais en fait, c'était pas vraiment ça. Le programme se développait un peu de façon anarchique. Il dépendait, avons-nous une fusée pour faire tel ou tel truc. Dans le cas de cette femme dans l'espace, ça, c'est une commande politique. L'idée, nous avons eu le premier homme dans l'espace, nous aurons aussi la première femme dans l'espace, et donc, on va faire un vol. Et donc, ça, c'est véritablement, là, l'idée, c'est de donner une autre gifle à l'Occident. On est capable d'envoyer des hommes et des femmes dans l'espace. De fait, est-ce qu'il y en aura beaucoup? Il y en aura peu. Du côté soviétique comme du côté américain, quelle place vont occuper les femmes dans ce programme spatial? Effectivement, ce sont disons que leur contribution est plutôt effacée. Ouais. On est dans l'ère du temps, les années 60, les années 70. Ça, c'est plus le cas maintenant. Ouais. Il y a des équipages presque entièrement féminins maintenant. Du côté russe maintenant aussi, il y a quand même plusieurs femmes. Mais à l'époque, elles étaient utilisées comme étant comme pour publicité finalement. Autre étape importante, le 18 mars 65, Alexei Leonov flotte dans l'espace. On écoute un extrait de l'émission Champ libre, dans lequel il est interviewé, Leonov, émission diffusée à la RTB en 1965. Vous êtes, lieutenant-colonel Leonov, le premier homme marcheur de l'espace. Votre exploit, votre nage dans l'espace, nous l'admirons tous. Vous sentez-vous un héros ou un pionnier? Votre modestie en souffre-t-elle, par exemple? Je ne me sens ni un héros, ni un pionnier. Je ne me rends pas encore compte. Nous étions si occupés. Au fond, j'ai fait le travail qu'on m'avait donné à faire. Et n'importe lequel de mes camarades aurait agi de même. Moi, je n'étais qu'un instrument. Comment ils sont perçus, ces cosmonautes, des deux côtés d'ailleurs, du côté soviétique et du côté américain, puis on voit en tout cas qu'ils ont l'air, eux, de se percevoir avec beaucoup de modestie, mais il y a quelque chose de paradoxal, parce qu'en Union soviétique, en tout cas, ce sont des héros. Ce sont des héros, mais tout comme les astronautes américains sont des héros. Il y a des parades, on peut penser au Ticker Parade à New York, n'est-ce pas, pour le retour des astronautes américains. Alors, ce sont des héros des deux côtés, mais en même temps, il y a de grandes similitudes entre ces astronautes et cosmonautes du côté soviétique. Ce sont des gens qui sont très pragmatiques, ils sont très posés, ils prennent des risques énormes. Ouais. Et donc, ils sont là pour accomplir une mission, faire un travail, comme il le dit. Et bon, tant mieux si on réussit, mais à la base, ce sont des gens qui sont là pour accomplir quelque chose. Ils ne sont pas là pour leur gloire personnelle. C'est instrumentalisé des deux côtés, évidemment. C'est de bonne guerre, naturellement, de montrer que les deux systèmes peuvent réussir. Mm-hmm. On l'a vu longtemps aux Jeux olympiques. Donc, les athlètes... Et pourtant, si on interviewe un athlète, il va nous dire, regardez, moi, je m'entraîne pour réussir à sauter plus haut ou courir plus vite. Mm-hmm. Être en compétition avec moi-même, exactement. Souvent, c'est la première chose qu'ils vont nous dire. Cette première période, dans cette course à l'espace, à la conquête de l'espace, 57-65, on l'a vu là, depuis quelques minutes, nette domination des Soviétiques. Comment ça s'explique, Robert Lamontagne? C'est assez curieux parce que, comme je le mentionnais, les Soviétiques avaient charcuté leur programme en différents bureaux ou divisions et donc chacun de ces bureaux était en compétition l'un avec l'autre. Pas de coordination. Il n'y avait aucune coordination, contrairement à ce qu'on peut retrouver du côté de la NASA. Alors, c'est probablement le fait qu'ils avaient une longueur d'avance depuis le début du 20e siècle avec toutes les avancées théoriques et ils avaient un objectif, c'est-à-dire que c'était de démontrer la suprématie de l'Union soviétique. Peut-être un peu plus, cette démonstration devait être faite de façon un peu plus forte que du côté des Américains qui avaient d'autres avenues là, pour promouvoir dans leur vision du monde. Mais malgré tout, malgré le fait qu'ils dominent durant les années 50 et une bonne partie des années 60 cette course-là, ils vont se faire damer le pion. 69, le vent tourne et sérieusement, les Américains sont les premiers à marcher sur la Lune. Comment ça, c'est un échec épouvantable pour les Russes, comment ça va être perçu en URSS? Ça a été très mal perçu. En fait, les Soviétiques ont commencé à s'intéresser à la Lune, à mettre un homme sur la Lune, plusieurs années après les Américains. Ils commencent seulement en 66. Les Américains se sont lancés là-dedans en 61, ce qui était un pari extrêmement audacieux du président Kennedy. Mettre un homme sur la Lune avant la fin de la décade, ouais. Alors qu'on n'avait même pas réussi à mettre un homme dans l'espace au moment où il fait son annonce. Donc, les Soviétiques, eux, vont s'intéresser à la Lune, tenter de damer le pion aux Américains beaucoup plus tard. Et malheureusement pour eux, leur maître d'œuvre, qui était Korolev, Sergei Korolev, qui développait les fusées, les lanceurs, va mourir en fait en 66. Et donc, le programme va souffrir de l'absence du meneur, en fait, la personne qui était l'inspiration du programme. Et donc, ils vont tenter, malgré tout, d'atteindre la Lune. Ils ont fait plusieurs essais, mais les fusées fonctionnaient mal, explosaient sur le pas de lancement et donc, éventuellement, ils doivent admettre la défaite. Grande défaite parce que jamais ils ne réussiront, en fait, à envoyer un homme ou une femme sur la Lune, les Russes. C'est complètement raté. Tout à fait. Il y a que les Américains qui ont réussi à envoyer des humains au-delà de l'orbite terrestre, donc jusqu'à la Lune. Il y aura par la suite, évidemment, les stations spatiales qui vont se développer, les navettes. Là-dessus, les Américains vont connaître des déboires importants. On en a parlé ensemble, entre autres, mais il y aura, entre autres, Columbia, Challenger, explosion, catastrophe. Est-ce que les Russes, et c'est les Russes qui vont prendre le relais du côté des navettes, est-ce que les Russes vont connaître le même genre d'insuccès et de tragédie que les Américains ont connu, par exemple, avec Challenger et Columbia? Ils ont connu des échecs au moins aussi dramatiques que ceux que du côté américain, mais on l'a su beaucoup plus tard. Tout ce que l'on apprenait du côté soviétique, c'était les succès. Les échecs étaient cachés, même pour le peuple, même pour les Soviétiques eux-mêmes. Et on va découvrir ça dans les années 90 avec la chute de l'Empire soviétique, le démantèlement de l'Empire soviétique. On va l'apprendre. Et donc, ils ont eu des échecs du même genre, des incendies dans les cabines, un peu comme celui d'Apollo 1. Il y a eu un échec retentissant. Il y avait un vol dans lequel on avait osé. On tentait de lancer des cosmonautes sans scaphandre de pressurisation. L'idée étant d'alléger la charge utile. Et malheureusement, ils sont revenus au sol. On ouvre la cabine et ils sont morts parce que une des écoutilles a eu une fuite. Et donc, il y a eu des échecs assez retentissants, mais on va les apprendre beaucoup plus tard, alors que les Américains, les vivaient en direct avec eux, finalement. Et aujourd'hui, Robert Lamontagne, ils en sont où, ces deux superpuissances, avec ces ambitions spatiales? Les Américains ont connu un dur coup avec le retrait des navettes spatiales au début de cette décennie, 2010-2011. Et donc, ils dépendent du taxi des Russes pour aller atteindre la Station spatiale internationale. Ils sont en train de redévelopper leur capacité de lancement, à lancer des humains dans l'espace. Les Russes ont maintenu leur capacité de lancement. Ils avaient connu des succès. On parle de la Station spatiale internationale, mais dans les années 85-86, ils ont lancé la première station spatiale dans l'espace, le programme Mir, qui a duré plusieurs années. Ils ont connu de grands succès. Et donc, on pense qu'ils vont probablement retenter maintenant de relancer une espèce de course. La course se fait plus uniquement avec les Américains, évidemment. Elle se fait avec les Chinois et possiblement, peut-être même avec les Indiens. Ah bon? Éventuellement, les Indiens ont des visées à mettre des hommes dans l'espace. Donc, ça risque d'être assez intéressant dans les 10 ou 20 prochaines années de voir comment les cartes vont se jouer. On se donnera rendez-vous pour la suite de l'histoire dans 20 ans, disons. Tout à fait. Merci beaucoup, Robert Lamontagne. Ça fait un plaisir. Robert Lamontagne, qui est astrophysicien à l'Université de Montréal, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Stagiaire à la recherche, Antoine Gauthier-Trépanier. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.